comment vous vous retrouvez à Macville? Parce que alors, tu expliques dans un certain nombre de témoignages que concrètement, avant finalement la rencontre avec ce spectacle, beaucoup en tout cas dans les témoignages que tu lire, que tu m'as transmis, ce que tu m'as dit, c'est ce que j'ai pu comprendre. Finalement, vous ne connaissez rien en amont au nucléaire. Ah non, rien du tout. Vous veniez vraiment des... Nous, on connaissait le salaire au rendement, on connaissait des trucs comme ça, quoi. Et voilà, des luttes vraiment ouvrières, etc. Ouais. Non, on ne connaissait rien. Donc, comment vous débarquez à Malville et quand? Eh ben, ouais, non, avant, 75 déjà. Donc, parce qu'on a, c'est là qu'on a rencontré le clown atomique, tout ça, quoi. Et puis, ben, de toute façon, c'est notre région, hein, c'est à 30 km, donc faut, quand même, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est pas Notre-Dame-des-Landes, hein, je veux dire, on ne va pas tous les jours. Mais donc, c'est à côté, etc. Voilà, un événement en plus de cette... moi, je n'ai pas trop connu la 70, parce que c'était quand même interdit. Les budgets cobayes, c'était encore dans des zones que nous, on connaissait peu. Et on était peu... On ne connaissait pas les personnes qui pouvaient nous amener dans ces lieux-là, quoi, et nous faire connaître ces luttes-là. Donc, mais on a débarqué comme on débarquait souvent, hein, avec le matériel. Et puis voilà, on a trouvé une famille d'accueil à Polérieux, là où ici était aussi. On a dû prendre ta suite d'ailleurs, et puis on est resté au chaud pendant quelques temps. C'était notre, ouais, jusqu'en 79 pratiquement. On avait, voilà, chaque personne qui arrivait un peu de l'extérieur, qui avait un peu une, on va dire, quelque chose de spécifique à faire, pouvait être accueilli dans les familles autour, quoi, qui était vraiment très, très, très, très. Voilà. Non, on nous a pas demandé comme à la CGT d'où on venait, si on était de quelle partie. Hein. C'était, voilà, c'était, on n'a pas reçu des coups de barre de fer et tout ça. Donc c'était vraiment le bonheur, quoi. Et donc on s'est installé là comme des poissons dans l'eau. Et on a suivi le mouvement, donc les premières manifestations où les gens sont arrivés en 76. Donc là, c'était effectivement des... on a filmé la marche et l'occupation, où il y avait 20 000 personnes. Donc tout allait bien. Et puis tout d'un coup, ben, tout est devenu très, très, très mal, puisque à 5 heures du mat, donc les forces de l'ordre sont intervenues et ont... abîmer tout le camp des gens qui étaient avec des fleurs à la bouche et tout ça, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on a filmé ce qui s'était passé, tout ça, enfin, le résultat des affrontements. Et puis, ça a été l'occasion de... Donc, à partir de là, on a fait un montage pour diffuser autour de Malville ce qui s'était passé et que, en fait, la position qu'on avait, c'était de dire, ben voilà... Tous ces gens-là, ben, c'est aussi des gens comme nous, hein, aussi. C'est des gens sympathiques, et c'est pas des gens qui veulent casser, c'est des gens qui sont pacifistes, etc. Et vous voyez, ils se sont fait agresser par les forces de l'ordre, alors que, voilà. Il y avait quand même une très forte idéologie non violente, hein. Moi, j'ai retrouvé la gueule ouverte, combat non violent, et qui après, bon, moi, j'ai un petit peu mieux compris maintenant, aussi, les résultats de la manifestation étaient aussi le fruit de cette idéologie non violente. Qui était très importante, on va dire. Donc, premier choc, les flics, les forces de l'ordre veulent empêcher qu'on mette les pieds dans la centrale nucléaire. Enfin, c'était qu'un terrain à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, il y a une occupation militaire du territoire, donc des villages qui sont coupés des autres, avec des checkpoints, enfin des points de contrôle. État de siège. Voilà, tout à fait. Merci, parce que je crois que c'est le nom de ton film. Oui. Et merci, ça me revient maintenant, merci. Et en fait, c'est ce qui était, on avait réussi à diffuser à Faverges, donc en plein au centre de la zone contrôlée. Le film, le montage qu'on avait d'une vingtaine de minutes, on l'avait diffusé à Faverges devant une centaine de personnes et à la barre des forces de l'ordre. Donc là, c'était aussi une façon de dire, nous aussi, on a d'autres armes et aussi, voilà. Donc ça effectivement, ça a été diffusé beaucoup. On peut passer. Alors, donc le premier film, là, qui s'appelle Juillet 76 à Malville, tout bêtement. Il n'a pas été numérisé en DVD, il reste qu'en bêta. Donc, Il y a des extraits qui ont été cédés à France 3 pour un film qui a été fait en 2007, un reportage. Et donc, on voit les premières images de ces extraits du film. Anne-Marie, peut-être que tu peux préciser que Crée ma vie, c'est un surgénérateur. Mais c'est ça, c'est un surgénérateur. Qui était un appareil, une centrale bizarre, top secret, qui produisait du plutonium pour les bombes atomiques. Phoenix. Super Phoenix, oui, en quantité. Et il y avait des intérêts iraniens dedans. Il y avait 3 plus 3. C'était la NERSA. NERSA, c'était les Italiens, les Allemands et les Français. C'était une tripartite. Il n'y avait pas d'Iraniens. Il n'y a pas d'Iraniens, d'accord. Et donc, ah oui, c'était dans la vallée du Rhône. Et donc, c'était un... Et d'ailleurs, Crémavi a été considéré comme tellement dangereux que ça n'a jamais marché, que ça a été démonté après. C'était pas tout à fait comme ça l'histoire, je dirais. Ouais. Je ne la raconterai pas comme ça. C'est-à-dire On va peut-être passer. Oui, si tu veux. Chacun voit de sa faute. J'ai vu, non, mais c'est important. C'est important. Oui, c'est l'intérêt. Donc, c'est le film Juillet 76 à Malville, qui est le premier de plusieurs films, puisque il y aura en tout cas un deuxième film dont on verra un autre extrait tout à l'heure, tourné en 77 de Pavert, chez les habitants racontent. Voilà, c'est le premier des deux films. Donc c'est un travail sur le long terme. Donc c'est un travail qu'on a mené avec les habitants. Donc on montait dans un garage que nous avaient prêté les voisins, l'arrivée en face de chez Josiane. Là. Oui. Et voilà, c'est notre QG, quoi. Le studio. Monté sur place. On s'était installé. Mais les habitants, ils sont super. Ils sont très motivés. Pour les écologistes et les antinucléaires, Super Phoenix devient très vite le monstre à abattre. Dès le début du chantier en 1974, les manifestations se succèdent à Malville. Dans le petit cœur de cette usine, du plutonium, il y en aura 4 tonnes. Oui, mais voilà ce qui nous chagrine. Un milligramme vous y couille un bonheur. En juillet 76, ils sont 20 000 à vouloir pénétrer sur le site et ils y parviennent, dans la bonne humeur et la non-violence. Mais les questions énergétiques, rassurez-vous, c'est pas de la folie. À l'époque, ces images ont été tournées par un groupe de femmes. Anne-Marie et Marie-Jo en faisaient partie. Notre objectif, c'était de filmer, monter et diffuser aussitôt après. Donc, pour qu'en fait, les habitants des villages aux alentours, ils se rendent compte que c'était tous ces gens qui avaient débaroulé chez eux. Donc, l'idée, c'était ça, qu'ils soient ces étrangers, chevelus, dépenaillés, etc., etc. Nous pensons que ce n'est pas en changeant des babolets électrifiés ou des CRS comme des fous que nous arriverons à bloquer de façon durable les travaux de Super Phoenix. Mais toi, les images que tu faisais, tu pensais à quoi en les faisant? Tu disais, il faut vraiment que je fixe ça pour pas que ça s'en aille dans ma mémoire. Historique. Historique, c'était ça. C'était l'historique. Et vous êtes très chaud. Moi, la grosse révolution pour nos petits villages très crudes, c'était de voir les filles au sein nu qui étaient sur la manifestation. Mes parents étaient agriculteurs, j'étais l'aînée de 5 avec 4 frères derrière. Et mes parents de droite, une famille très sclérosante et tout. Et donc, moi, ça a été vraiment une bouffée de plus qu'une bouffée d'oxygène, une montagne d'oxygène. Ça a permis de faire se rencontrer, oui, des populations, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. D'emblée, comme ça, on va dire. En cet été 76, les écologistes, hostiles à Super Phoenix, font donc connaissance avec les habitants du Nord-Isère. De nombreux agriculteurs soutiennent les antinucléaires, on se croit par instant au Larzac. L'ambiance est décontractée, fraternelle, on n'imagine pas encore que l'été suivant sera marqué par la violence et par les drames humains. Thank you. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, excuse-moi. Ça, ça a été fait quand ? Donc ça, c'est un magazine de 20 minutes auquel on a coopéré avec France 3 Alpes en 2007. Donc c'est, vous savez que les commémorations sont très utiles pour faire sortir les bobines, les images et les numériser. Donc 2007, ça fait 30 ans après, 30 ans. Donc à cette occasion-là, le commentaire est vraiment de France 3. Oui, je dis ça parce que c'était au niveau des usages des images, on pourra en rediscuter ultérieurement, comment après on les négocie ou pas et comment on les interdit aussi des fois. Donc là, effectivement, 76, il n'y avait pas grand monde en vidéo qui filmait. Personne, en fait. C'était les débuts, tout début. Et en 77 non plus, il y avait quelques caméras. Ouais, France 3, ils étaient cachés derrière les forces de l'ordre. Et puis, il y avait TF1, France 2 et France 3. Et il y avait TF1 des Belges. TF1 était en hélico. Et il y avait des Belges. Ouais. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on discutait ? Donc ça, c'était 77.